La nuit, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La nuit. Depuis que dans la plaine immense il s'est fait soir, avec de lourds marteaux et des blocs taciturnes, l'ombre bâtit ses murs et ses donjons nocturnes, comme un escurial revêtu d'argent noir. Le ciel prodigieux domine, embrasé d'astres, voûte d'ébène et d'or, où fourmille des yeux, et s'érige d'un jet vers ce plafond de feu. Les hêtres et les pins, pareils à des pilastres. Comme de blancs linceuls éclairés de flambeaux, les lacs brillent, frappés de lumière stellaire. Les champs, ils sont coupés, enclos quadrangulaires et miroites, ainsi que d'énormes tombeaux. Et tel, avec ses coins et ses salles funèbres, tout entière bâtie en mystère, en terreur, la nuit paraît le noir palais d'un empereur, accoudé quelque part au loin dans les ténèbres. Fin de la nuit.